de faible. Anatole le squamate exerce son emprise avec satisfaction. Anatole le squamate exerce son emprise avec satisfaction. Anatole, le squamat exerce son emprise avec satisfaction. Le respect, occupe-toi de cet homme. Regarde ma fille, nous prenons la différence. Tu attends que vacille en vous la tempérance. Maître de la vie, nous voulons te lever. Je vais te nier, Stas, de ma vie, en des magrelles et du sel. Regarde ton esprit, profonde indifférence. Tu attends que la vie en nous la tempérance. Maître de la nuit, de nos monstres oubliés. Nous voulons ta folie, nous voulons ta musique. Nous louons ta folie, nous jouons ta musique.